بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، donc on va continuer, inshallah, sans plus attendre, sur l'explication du livre de l'unicité de l'imam Mohammed ibn Ismail al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Et donc la fois dernière, dans la dernière allocution, on avait terminé avec un rappel concernant le contexte historique de la péninsule arabique à l'époque où naquit le prophète, alayhi salat wa salam, que ce soit avant la naissance du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, et après sa naissance, et même à l'avènement de l'islam. Et donc on avait parlé du contexte historique de la péninsule arabique, du contexte religieux, du contexte politique et social, et on a dit que cela était important pour comprendre réellement le message et l'appel du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Le fait de bien comprendre cela, c'est pour cela qu'on a mentionné, on a un peu dit ce qui s'était produit et quel était le contexte de l'époque anti-islamique, ce qu'on appelle l'époque pré-islamique, c'est-à-dire waqt al-jahiliya. Et nous, on avait parlé de certains faits, certains événements, certaines croyances, certaines superstitions. Donc on avait essayé de décrire, de faire une description du contexte qui était rapide et qui était résumé. Sinon, je conseille les frères, je conseille chacun de lire et vraiment d'essayer de comprendre vraiment quel était le contexte, que ce soit social ou bien religieux ou bien politique ou bien économique, l'époque et le contexte de la péninsule arabique lorsque naquit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour ça que dans la dernière allocution, on avait fait un point sur ça. Pourquoi ? Parce que ça va permettre de bien comprendre l'appel et le message du prophète, alayhi salatu wassalam, et le message de l'islam, le message de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Donc du fait de bien connaître le contexte et le fait de bien comprendre ce sur quoi étaient les Arabes, en cette période-là qu'on appelle en temps de l'Jahiliya, le temps pré-islamique, eh bien ensuite la personne il va bien comprendre ensuite, il va avoir une bonne conception de l'appel et du message de notre prophète et de la religion de l'islam. Et pour bien s'imprégner de cela et pour bien comprendre cela, je conseille chacun de lire beaucoup dans la vie du prophète, dans les biographies qui ont été écrites, qui ont été rédigées par de grands savants, concernant la biographie et la vie de notre prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et souvent dans les biographies, les auteurs, les grands savants qui ont écrit dans ce sujet et ce domaine, souvent ils commencent par évoquer justement le contexte historique de l'époque lorsque naquit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et même bien avant, quelles étaient les traditions des Arabes, quelles étaient leurs croyances, quelles étaient leurs pratiques, sur quelle religion ils étaient, qu'est-ce qu'ils revendiquaient, qu'est-ce qu'il prétendait. Et donc ça, c'est l'aspect religieux. Aussi l'aspect social de l'époque, économique, politique, etc. Tout ça, vous allez le voir, beaucoup d'auteurs, dans leurs livres, au début, lorsqu'ils ont rédigé sur la vie du prophète, et parlé sur la biographie du prophète, souvent, eh bien, ils parlent du contexte de la péninsule arabique d'une manière plus générale, et ensuite du contexte de la Mecque. Comment les gens vivaient à la Mecque, quel était leur mode de vie. Ensuite, là, il commence à évoquer tout ce qui est lié à la naissance du prophète, alayhi salatu wassalam, de parler de sa naissance, à quel moment le prophète, alayhi salatu wassalam, ensuite est devenu prophète et messager, à quel moment il a reçu la révélation, Et ça, c'est important. C'est pour cela que je conseille vivement à chacun de vraiment de lire dans la biographie du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est très important pour bien comprendre le message du prophète, pour bien comprendre cette religion qu'est l'islam. Donc, nous, on va continuer, inshallah. Ensuite, l'imam al-Bukhari, on s'est arrêté lorsque l'imam al-Bukhari ensuite dit, waqala Yahya. Donc, il dit, Yahya a dit. Et on avait dit ici que l'imam al-Bukhari, lorsqu'il dit, et Yahya a dit, donc après avoir mentionné les versets qu'on a étudiés précédemment, ensuite l'imam al-Bukhari dit, waqala Yahya, et Yahya a dit. Et ici, on a dit qu'il sous-entendait, il faisait allusion à Yahya, qui s'appelait Abu Zakariya, Yahya ibn Ziyad ibn Abdillah al-Asadi, al-Kufi al-Nahwi, Sahib al-Kisa'i. Donc on avait dit que c'était Yahya ibn Ziyad, qui était le fils de Ziyad ibn Abdillah, al-Kufi al-Nahwi. Donc on avait dit que c'était un grand linguiste et connaisseur vraiment des sciences de la langue arabe, et c'était le célèbre compagnon et proche de al-Kisa'i. Al-Kisa'i qui était en son temps, on avait dit, une grande référence dans la grammaire, parmi les grammairiens arabes et linguistes arabes, aussi parmi les grands lecteurs du Coran. Et donc on avait dit que lui, Abu Zakariya Yahya ibn Ziyad, Al-Kufi, Al-Farra, donc il est surnommé Al-Farra, donc Qala Yahya Al-Farra. Il est né, on avait dit, en 144 de l'Hégire et décédé en 204 de l'Hégire. On a dit qu'il était décédé en 63, ou plutôt à 63 ans. Décédé à 63 ans. Donc lui, Yahya al-Farra, c'était un grand connaisseur de la langue arabe. Et justement, l'imam al-Bukhari fait allusion ici à l'une de ses paroles, lorsque il est rapporté que Yahya a dit « Al-Zahiru ala kulli shay'in ilma, wal-batinu ala kulli shay'in ilma. » Dans le sens relatif, il dit « Celui qui est au-dessus de tout par sa science, et celui qui cerne tout par sa science. » Donc là, on a traduit la parole de Yahya ibn Ziyad. Maintenant, on va essayer de la comprendre. Et Cheikh Ibn Al-Athaymeen, dans son commentaire, il va nous expliquer la parole. Donc, il dit que là, l'auteur de cette parole, Yahya ibn Ziyad, lorsqu'il dit cela, il fait allusion à un verset. Il fait allusion à un verset dans le Coran, qui est dans la sourate, la Hadid, la sourate du fer, le verset 3. Lorsqu'Allah dit, en informant à son sujet, Allah dit, وهو الأول والآخر والظاهر والباطن وهذه أربعة أسماء استوعبت الأزمنة والأمكنة وهو الأول والآخر وهذا بالنسبة للزمان فهو الأول الذي ليس قبله شيء والآخر الذي ليس بعده شيء والظاهر والباطن. Alors ensuite, je suis dans l'explication, il dit donc, regardez la parole de Yahya ibn Ziyad, dont a fait allusion et mention l'imam al-Bukhari ici dans ce chapitre. Il dit lui-même, Ibn Ziyad al-Farra, voulait faire allusion au verset 3 dans la sourate Le Fer, lorsqu'Allah dit « Wa huwa al-awwalu wal-akhiru » et il est certes le premier et le dernier « Wa al-dhahiru wal-batinu »« Wa al-dhahiru wal-batinu » Et il dit, ces quatre noms, eh ben, elles englobent aussi bien le temps que les endroits. Istawabat, elle cerne aussi bien le temps que les endroits, comme vous allez voir. Fahu al-awwalu wal-akhir. Allah, subhanahu wa ta'ala, dit qu'il est le premier, on traduit de manière littérale, fait partie ses noms, al-awwalu wal-akhir. Donc Allah, jalla wa ala, est le premier et le dernier. Donc lorsqu'on dit qu'Allah est le premier et le dernier, donc c'est dans le verset, c'est dans le verset 3 de sourate Le Fer. Lorsqu'Allah dit فَهُوَ الْأَوَّلُ وَالْأَوَّلُ وَالْآخِرُ, il est le premier et le dernier. C'est dans le sens, comment qu'il faut comprendre cela? فَهُوَ الْأَوَّلُ الَّذِي لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٍ. C'est le premier dont il n'y avait personne avant lui. لَيْسَ قَبْلَهُ شَيْءٍ. Il n'y avait rien avant lui. Donc il est le premier, celui dont il n'y avait rien avant lui. وَالْآخِرُ est le dernier dans le sens الَّذِي لَيْسَ بَعْدَهُ شَيْءٍ. Celui dont il n'y a personne, il n'y a rien plutôt après lui. Donc c'est comme cela qu'il faut comprendre. Al-awwalu wal-akhiru, le premier et le dernier, lorsqu'Allah dit sur lui-même qu'il est le premier et il est le dernier, c'est-à-dire Al-awwalu, donc moi je vous l'ai traduit littéralement, mais sinon al-awwalu, ça veut dire le premier, veut dire qu'il n'y a rien eu avant lui. Il n'y a rien avant lui. Wal-akhiru alladhi laysa ba'dahu shay. Et le dernier, c'est celui dont il n'y a rien après lui. Et cette explication-là, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même qui l'a expliqué de cette manière, comme c'est rapporté dans un hadith authentique. Donc dans un hadith, le prophète sallallahu lui-même a dit al-awwalu alladhi laysa qablahu shay wal-akhiru alladhi laysa ba'dahu shay. Donc le premier, celui dont il n'y a rien avant lui, et le dernier, celui dont il n'y a rien après lui. Wal-dhahiru wal-batinu. Wal-dhahiru wal-batinu. Maintenant, al-dhahir, Cheikh ici va nous expliquer. Ma'ana al-dhahir, qu'on traduit littéralement par l'apparent. Et ici, al-dhahir, c'est al-ali, ala kulli shay. Al-dhahir, c'est celui qui est au-dessus de tout. C'est celui qui est au-dessus de tout. Donc vous avez vu, d'une manière apparente, ou plutôt littérale, d'une manière littérale, on va traduire al-dhahir par celui qui est apparent. Mais le sens ici qu'il faut comprendre, donc ce qu'il faut comprendre, c'est celui dont rien est au-dessus de lui. Puisque al-dhahir, c'est celui qui est au-dessus de tout. Fa'inna al-dhuhur, huna bima'na al-ulu. Al-ulu. C'est pour ça qu'en arabe, le terme al-dhuhur, huna bima'na al-ulu. En arabe, le sens de dhuhur, c'est l'élévation, le fait d'être au-dessus de tout. ومنه قوله تعالى ليظهره على الدين كله. Et c'est pour cela qu'on va dans le verset 9, dans la sourate L'Iran, Allah dit ليظهره على الدين كله, أي ليعليه. Lorsqu'il est utilisé le terme ليظهره, le faire apparaître d'une manière littérale, puisque c'est le verbe ici qui est mentionné, ici on traduirait dans le sens, on l'expliquerait, si on traduit de manière littérale, pour le faire apparaître, c'est-à-dire pour qu'il soit au-dessus, pour qu'il soit au-dessus. Wa yaqul al-Farra, donc c'est pour ça que Yahya ibn Ziyad, dans cette parole, il voulait dire « Inna al-murad bihi al-ilm » Il voulait dire « par sa science ». Donc Allah est au-dessus de tout par sa science. « Bi-ilmihi » Il voulait citer ici, sous-entendre « par la science » Wa naqul na'am » Et nous disons « na'am » et le Cheikh nous dit « effectivement, wa subhanahu wa ta'ala dhahir, ay alim. Et dit effectivement, Allah jalla wa ala est le grand connaisseur. Et celui qui est au-dessus de tout, il a la connaissance de tout, subhanahu wa ta'ala. Donc aussi bien Allah jalla wa ala est au-dessus de tout, il est l'élevé, subhanahu wa ta'ala. Et aussi bien Allah jalla wa ala est le grand connaisseur de tout, subhanahu wa ta'ala. Donc il est aussi au-dessus de tout, par son savoir, wa ma'a dhalika fa huwa 'alimun bi kulli shay. Et le fait qu'Allah Jalla wa Ala est au-dessus de tout, hein, Allah est l'élevé, et aussi Allah Jalla wa Ala huwa 'alimun bi kulli shay, il est le connaisseur de tout, il a la connaissance sur tout, subhanahu wa ta'ala. Et le sens ensuite de al-batin, fa huwa al-muhit bi kulli shay. Al-batin, dans le sens ici, Cheikh l'explique, celui qui cerne tout de sa science. الذي يعلم بواطن الأمور, celui qui connaît tous les sens, même caché, même ce qui n'est pas apparent, même ce qui est dissimulé, Allah Jalla wa Ala cerne tout de sa science, il a la connaissance de tout. فهو من علوه محيط بكل شيء. Et ça fait partie de son élévation aussi, le fait qu'Allah est élevé au-dessus de tout, aussi Allah Jalla wa Ala cerne tout de sa science. وليس المعنى أنه في كل شيء. بل المعنى الذي لا يخفى عليه ما بطن وما خفي ما بطن وما خفي فهذه الآيات فيها إثبات علم الله أو فيها إثبات علم الله عز وجل والكلام على العلم نعيده مرة ثانية. Et de ce fait, on comprend que Allah subhanahu wa ta'ala n'a rien ne lui échappe, que ce soit des choses apparentes ou bien que ce soit des choses cachées, dissimulées, des choses qui ne sont pas apparentes. Allah subhanahu wa ta'ala, rien ne lui échappe. Ne serait-ce que certaines choses qui sont infimes, imperceptibles, Allah subhanahu wa ta'ala a la connaissance de tout et cerne tout par son savoir et sa science, subhanahu wa ta'ala. Donc, Shir nous dit, on réitère, on résume ici la parole concernant cet attribut de la science de notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Alors, en ce qui concerne le savoir d'Allah, pour résumer, pour terminer, Shir dit, awalan, donc il dit, on a cité en tout trois choses. Il dit, awalan, la première chose, min haythul umum, d'une manière générale et globale. Nous disons « Inna Allaha alimun bi kulli shay, jumlatan wa tafsila, wa huwa yashmal ma yata'allaqu bi a'mal al-'abd. » Et donc là, il dit, d'une manière générale, la première chose que nous disons, c'est qu'Allah Jalla wa Ala a la connaissance de tout. Des choses d'une manière « jumlatan » comme « tafsila », que ce soit les choses d'une manière générale, comme le détail aussi de ces choses. Même les choses qui sont imperceptibles, qui sont dissimulées, cachées, Allah Jalla wa Ala a la connaissance de tout, même du détail de ces choses. Et cela comprend ensuite aussi tout ce qui est lié aux actions et aux œuvres des gens et des hommes. Allah Jalla wa Ala a la connaissance de tout cela. Deuxième chose ici, donc pour résumer ici cette parole qu'on a dit, cette parole relative à l'attribut de la science. Deuxième chose, علم الله أزلي أبدي ومعنى أزلي أي سابق والأبدي في المستقبل. Il dit deuxième chose qu'on a dit, la science d'Allah Jalla wa Ala est éternelle. Est éternelle. Ici, en arabe, les grands savants ont utilisé deux termes pour décrire la science d'Allah. Ils ont utilisé ces deux termes, علم الله أزلي أبدي. Donc on a le terme أزلي, on a le terme abadi. Donc, on traduit ici la science d'Allah est éternelle dans le sens azali, ce qui est lié au sabiq, à ce qui a précédé, ou al-abadi, c'est ce qui est lié au futur. C'est-à-dire que Allah, Jalla wa Ala, sa science est éternelle dans le sens, lorsqu'on dit azali ou abadi, dans le sens, elle n'a ni de commencement ni de fin. La science d'Allah, Jalla wa Ala, point de commencement ni de fin. C'est-à-dire, Allah Jalla wa Ala a toujours su, subhanahu wa ta'ala. Il a toujours eu cet attribut de la science. Allah a toujours été l'omniscient, sans qu'il y ait de fin à cela. Allah sera toujours, subhanahu wa ta'ala, il sera toujours l'omniscient. Il sera toujours al-alim bi kulli shay. Donc Allah Jalla wa Ala, cet attribut de perfection, le fait qu'Allah Jalla wa Ala cerne tout de sa science et que sa science englobe tout et rien ne lui échappe, Allah a toujours eu cet attribut-là, Allah a toujours su, sa science a toujours tout englobé, rien ne lui a jamais échappé, sans qu'il ait en cela de commencement et ni de fin. C'est ça qu'on appelle en arabe lorsque al-ilm est décrite comme étant Azali yun abadi. Famarna azali, donc le sens de azali c'est lié au sabiq, ou al-abadi c'est fil mustaqbal. Et troisièmement, concernant ici l'explication de l'attribut de la science, c'est ilmullahi lam yusbaq bi jahlin wa la yalhaquhu nisyan. On avait dit que la science d'Allah n'a jamais été précédée d'une ignorance et elle n'est pas assujettie un quelconque oubli. Et voilà, et Shir, c'est pour cela qu'il dit qu'il a résumé ici ce qu'on a appris concernant la science éternelle d'Allah subhanahu wa ta'ala et infinie. On a appris cela et il a résumé ce point-là en trois, avec trois points. Il a résumé avec ces trois points. Premièrement, concernant la généralité. Ensuite, il a dit que la science d'Allah est éternelle et infinie, azali yun abadi, sans commencement et sans fin. Et troisièmement, que cette science n'a pas été précédée de l'ignorance et n'est pas assujettie à l'oubli, contrairement à l'être humain. L'être humain, il connaît une chose après qu'il ait appris. Donc avant qu'il apprenne, il a été touché par ce qu'on appelle l'ignorance. Il méconnaissait une chose, ensuite il a appris et il a su. Voilà ce qui concerne le résumé de ce qu'on a appris concernant l'attribut de la science. Et ça nous permet, comme on a dit précédemment, de craindre notre Seigneur et de savoir à ce moment-là, lorsqu'on a compris cela, qu'on ne peut rien lui cacher. On ne peut rien lui cacher. Que ce soit des choses apparentes ou bien des choses qu'on essaye de dissimuler, Allah Jalla wa Ala a la connaissance de tout, des détails de toutes choses, même une chose infime, comme on a dit, Allah Jalla wa Ala, il n'y a rien qui se passe sur terre, dans cet univers, sans qu'Allah en ait la connaissance et la parfaite connaissance. Parce qu'il est l'omniscient par excellence. On a dit dans tous les océans, dans toutes les mers, tout ce qui se passe, tout ce qui se passe en mer, dans les océans, Allah Jalla wa Ala, on a la connaissance. On a dit que dans un verset, Allah Jalla wa Ala nous dit, ne serait-ce qu'une feuille d'un arbre qui tombe sur terre, Allah Jalla wa Ala, on a la connaissance. C'est pour ça que ça nous permet ici de reconnaître l'immensité d'Allah Jalla wa Ala. Et de ce fait, on avait fait un rappel sur ça, que le croyant craint son Seigneur et il sait qu'il ne peut rien lui cacher. Que ce soit des convictions, que ce soit des paroles, que ce soit des actions, on ne peut rien dissimuler à notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Même des choses qui nous paraîtraient, par rapport à nous, qui nous paraîtraient des choses cachées, dissimulées, non apparentes, que personne n'en aurait la connaissance, Allah, lui, en a la connaissance. C'est pour ça que même les paroles secrètes, les paroles internes, les pensées, Allah Jalla Wala a la connaissance de tout. Mais seul lui a la connaissance de cela. Personne, par exemple, peut savoir ce qu'il y a dans votre cœur. Personne ne peut savoir, peut connaître vos pensées, rentrer dans le plus profond de vos pensées, de ce qu'il y a dans votre cœur, de ce que vous intériorisez. Personne ne peut savoir cela. Seul celui qui en a la connaissance, c'est Allah Subhanahu wa Ta'ala. Et cela, contrairement à certaines, par exemple, sectes. Lorsque des sectes, par exemple, ils ont le chef de la confrérie ou bien de la fraction de la secte, et parfois, le gourou, il faut qu'il instaure une sorte de peur, il faut que les adeptes ont peur du gourou. Et pour cela, ensuite, il fait peur à ses adeptes en leur disant de ne même pas essayer de penser du mal de lui, car il le serait. Et les adeptes, ensuite, pensent que leur gourou, eh ben, connaît ce qu'il y a au fond de eux-mêmes, peut percer les secrets, les mystères qu'ils cachent dans leur cœur et peut aller au plus profond de leurs pensées, connaître ce qu'ils pensent et quelles sont leurs pensées internes. Et alors, le gourou fait peur à ses adeptes. Et les adeptes ensuite vont penser que leur gourou a ce pouvoir-là, ou bien parfois c'est la fonction de certains sorciers. Parfois, on retrouve des sorciers, des devins ou autres, qui eux aussi font peur aux gens, qui eux font peur aux gens et leur font croire qu'ils ont des pouvoirs de pouvoir percer les mystères de chacun, ce qu'il y a dans nos cœurs, de pouvoir lire dans les pensées, comme certains le disent, on va lire dans les pensées, alors que ça c'est impossible, cela n'appartient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc personne ne sait ce qu'il y a dans votre cœur si ce n'est Allah. Pourquoi? Parce que ce qu'il y a dans le cœur de l'individu, de la personne, ça fait partie de la science de l'inconnu, de la science de l'invisible, des mystères. Et seul celui qui détient ces clés-là, le détenteur de ces clés, on l'a appris précédemment, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Donc vous avez vu, cette connaissance-là nous permet de craindre notre Seigneur et de vouer cette crainte à lui seul, subhanahu wa ta'ala, et de se libérer de toute forme de peur et de crainte à autrui, à autre que notre Seigneur, subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que ces adeptes-là, qui pensent que leur gourou, ou bien ceux qui se rendent et qui croient et qui accordent foi aux sorciers et à certains devins, eh ben, lorsqu'ils pensent que leur gourou ou leur sorcier, eh ben, a des pouvoirs de pouvoir percer ces mystères-là, de pouvoir lire dans les pensées, de savoir ce qu'il y a dans le cœur de la personne et de connaître les intentions de ceux qui sont face à eux et de connaître les intentions de leurs adeptes, alors ensuite ça, eh ben, ses conséquences, et ça engendre de la peur et de la crainte. De la peur et de la crainte dans le cœur de cet adepte ou de cette personne. Or, cette crainte-là, c'est ce qu'on appelle une crainte et une peur secrète. Et cette peur doit être une peur d'adoration. C'est une peur qu'on voit Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que vous avez vu que cette connaissance-là permet à la personne de se libérer de toute forme de servitude et d'esclavage envers autrui. Envers autrui. Et donc, cette peur-là et cette servitude-là, on ne l'avoue qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est comme cela qu'on commence à comprendre qu'est-ce que réellement le tawhid et le monothéisme pur. C'est vraiment l'adoration à un Seigneur unique. Pas l'adoration seulement par rapport à une pratique, à une gestuelle, à des adorations qui seraient gestuelles et liées aux membres du corps, comme la prière, le fait de jeûner, mais aussi à savoir qu'il y a des adorations du cœur, des adorations du cœur. En l'occurrence, l'espérance, la crainte, la peur, l'appréhension, tout cela, vous avez vu, ce sont des adorations du cœur. Et ce qu'il faut savoir, c'est cette crainte-là, le fait de craindre celui qui a la connaissance de tout, elle doit être vouée qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc il ne faut pas craindre des sorciers qui prétendent lire dans les pensées et percer tous ces mystères-là. Il ne faut pas croire en ces gourous de certaines sectes qui veulent faire croire aux adeptes qu'ils ont la connaissance de ces mystères-là, qu'ils peuvent lire dans les pensées et connaître les intentions des autres. Il ne faut pas croire en cela. Et donc, il ne faut pas avoir peur de cela. Il ne faut pas avoir peur de cela. Allah Jalla wa Ala nous dit « Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin » et n'ayez pas peur d'eux, ayez peur de moi si vraiment vous êtes croyant. Donc cette peur-là dont nous parle Allah Jalla wa Ala dans ce verset « Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin » n'ayez pas peur d'eux, mais ayez peur de moi, craignez-moi si véritablement vous êtes croyant. Allah Jalla wa Ala ici nous appelle à le craindre. Et ça c'est la crainte qui est une adoration. Donc cette crainte, elle est dans le cœur du serviteur. Et c'est pour ça qu'on appelle ça les adorations du cœur. Par exemple, l'amour, la peur, la crainte, l'espérance, tout cela, ça fait partie des adorations du cœur. C'est pour ça qu'on comprend bien qu'il y a donc des adorations qui sont dans le cœur, comme il y a des adorations qui sont des adorations des membres, comme la prière, le jeûne et autres. Et ça, c'est très important que le musulman et la musulmane le comprennent. Ensuite, une grande question aussi peut se poser par beaucoup de gens. Beaucoup de gens peuvent se poser une question. La question du fait que parfois, des gens se rendent chez des sorciers et comme on a dit, il est interdit d'avoir recours au service d'un sorcier. Car la sorcellerie est interdite, est strictement interdite et fait partie des actes de mécréance. Donc le musulman ni n'a le droit d'apprendre la sorcellerie, ni il n'a le droit de la pratiquer, ni il a le droit de demander les services de celui qui pratique cette sorcellerie. Cette sorcellerie est complètement et clairement interdite, comme c'est stipulé dans le verset wa ma kafara Sulayman walakin ash-shayatin kafaru. Et donc dans le Coran, il est clairement stipulé que la sorcellerie est interdite et c'est de la mécréance. Donc le musulman ne peut pas avoir recours à la sorcellerie et n'accorde pas foi aux sorciers. Un savoir très important, c'est que dans la sorcellerie, il y a différentes catégories de sorcellerie. Donc on va citer deux catégories de sorcellerie. Une sorcellerie qu'en réalité, le sorcier est un charlatan, ou bien il se sert d'illusion. Il illusionne, il se sert d'illusion, et ici, il y a une sorte d'illusion, il va illusionner les yeux ou ceux qui sont en face. Donc sa sorcellerie, ça serait une sorte d'illusion. C'est quelque chose d'illusoire, si vous voulez. Et une autre sorcellerie, une sorcellerie qui est réelle. Donc on ne nie pas qu'il y a une sorcellerie. Il y a une sorcellerie qui est réelle. Donc il y a des sorciers qui pratiquent une sorcellerie réelle. Lorsqu'ils travaillent, ils sont au service de démons. Donc il y a des sorciers qui ont voué leur vie aux démons et qui sont au service de démons. Donc toute leur vie est au service de démons. Leur vie l'ont vouée à ces démons et à ces shayatines. Donc cette sorcellerie-là, elle est réelle. Et Allah Jalla wa Ala a voulu éprouver ses serviteurs avec cela. Qui est-ce qui croira en lui et délaissera cela? Et qui est-ce qui sera au service des démons? Au service des démons et pratiquera cette chose interdite et considérée dans notre religion comme une mécréance. Donc il est strictement interdit d'avoir recours à cela et de demander les services de sorciers. Donc on a dit il y a des sorciers, donc une sorcellerie qui n'est pas réelle, ce sont des charlatans. Et il y a une deuxième catégorie de sorciers, donc leur sorcellerie est réelle, sahara, ce qu'on appelle le sihr. Cette sorcellerie, elle est réelle. Alors c'est des sorciers qu'on a dit qui ont voué leur vie, qui sont au service de ces démons-là. Et donc c'est pour cela qu'ensuite, d'ensorceler les gens, ils s'efforcent de jeter des sortilèges, d'ensorceler les gens. Ils pratiquent cette sorcellerie pour séparer, par exemple, des couples, séparer l'homme de son épouse, de semer la corruption et le désordre dans des foyers, dans des sociétés, dans des familles, d'ensorceler ce qu'ils désirent et qu'ils veulent. Donc ensorceler cela par la permission. Par la permission d'Allah, car rien ne se fait sans la permission d'Allah. Donc c'est une épreuve. C'est une épreuve qu'Allah Jalla wa Ala a donnée à ses serviteurs. Lorsqu'on dit que le sorcier a voué sa vie aux shayatines, aux démons, alors comment est-ce qu'il procède? Sa pratique est que il se soumet aux shayatines et aux démons, et donc le fait qu'il soit au service d'eux, il fait ce qu'il lui ordonne de faire. Donc si les démons lui ordonnent de faire même les choses les plus abominables, des choses sales et inhumaines, alors ce sorcier-là, du fait qu'il est à leur service et soumis à eux, alors il le fait. Donc il lui ordonne de faire des choses abominables, des choses inhumaines, et la plus grande chose qu'il lui ordonne, c'est de commettre du polythéisme, de faire des actes de polythéisme, de renier le Seigneur, de renier le Créateur, et de faire donc les choses les plus abominables. Pourquoi? Parce que les choses les plus abominables pour le moment, premièrement, c'est le polythéisme, l'associationnisme. Donc ils vont lui ordonner de renier le Créateur et de faire des choses qui font partie de l'ordre du polythéisme. Aussi, des choses inhumaines aussi, ils vont lui demander de faire des choses inhumaines, donc des choses qui prouveront qu'il est soumis à eux. Comme parfois, ils peuvent lui ordonner de manger de la chair humaine. De manger de la chair humaine, il fera donc les choses les plus immorales qui n'existent. Donc il fera toutes les choses immorales, toutes les immorales, c'est-à-dire toutes les choses immorales et toutes ces pratiques inhumaines. Alors il les fera parce qu'il est sous la soumission et sous la servitude de ses shayatines, de ses djinns, de ses démons. Et lui, en contrepartie, eh ben, il recevra de ces djinns, de ces démons-là, des services. De ce fait, ces démons-là travailleront à leur tour pour lui. Donc ensuite, lorsqu'il aura besoin de leurs services, alors ils travailleront pour lui. Et de ce fait, ils vont s'efforcer. Ça va être une sorte d'association entre le sorcier et ses démons, et ces djinns-là. Et ils s'efforceront de semer la corruption sur terre. Donc c'est-à-dire lorsque des gens viendront à ce sorcier pour essayer de séparer un couple, un homme de sa femme, ou de semer le mal dans un foyer, ou bien dans une famille, ou bien dans une société, de semer la corruption la plus totale, alors les shayatines, ces démons-là, s'efforceront avec ce sorcier, eh ben, de réaliser cela. En jetant des sortilèges, en ensorcelant, et avec l'ensorcellement, l'envoûtement, avec aussi la possession de certains corps, lorsque les shayatines, parmi les démons, les djinns, essayent aussi de prendre possession du corps de cette personne ensorcelée, cette personne à qui ils essayent de jeter le sort. Donc les djinns aussi, parfois, vont essayer de prendre possession du corps, donc de pénétrer, de s'infiltrer dans le corps de l'ensorcelé. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas plus grand ennemi de ces sorciers et de ces démons parmi les djinns, si ce n'est les croyants. Et les croyants ne les craignent pas. Et c'est pour ça qu'on apprend cela. Le monothéisme, celui qui apprend cela, fait que le croyant ne les craint pas. Et le croyant sait que rien ne peut l'atteindre et rien ne peut le toucher parmi ces sortilèges, parmi cette sorcellerie-là, ces sorts jetés par les sorciers, rien ne peut l'atteindre et rien ne peut le toucher si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala a permise. Donc dans notre religion, Allah Jalla wa Ala nous a enseigné, et le prophète sallam nous a enseigné ce par quoi on peut se protéger. Donc le croyant peut se protéger de tout cela et ne craint pas ses démons et ses sorciers. Lui, il craint Allah subhanahu wa ta'ala. Et il sait que rien ne saurait l'atteindre si ce n'est une chose qu'Allah Jalla wa Ala a prédestinée, décrétée et permise. Or, beaucoup de gens qui n'apprennent pas justement, qui n'essayent pas de comprendre, qui n'ont point de connaissances sur le domaine du monothéisme, c'est pour cela qu'ensuite ils ont une crainte, ils craignent, ils ont peur de ces choses-là. Donc, ils vouent une peur aux sorciers, aux démons, aux djinns, et de ce fait, ensuite, il est dans une sorte d'emprise. Donc, il est sous l'emprise de ces sorciers, de ces shayatines, de ces démons, de ces plans machiavéliques. Et de ce fait, ensuite, il a du mal à se libérer de cette emprise. Or, le croyant, lui, est sous l'emprise de personne. Le croyant, lui, ne croit qu'en son Seigneur, subhanahu wa ta'ala, et sa crainte, il avoue Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour cela, parmi les grands bienfaits d'Allah, depuis que la lumière de cette religion, ce savoir-là, cette science-là, a pénétré beaucoup de maisons et beaucoup de foyers, de croyants et de musulmans, on voit qu'ensuite, le fait d'avoir recours à ces sorciers, le fait d'avoir recours à ces pratiques-là, à cette sorcellerie-là, a diminué. Du fait que beaucoup de familles musulmanes ensuite, qui soient issues d'Afrique ou bien d'Afrique du Nord, qui soient des familles maghrébines ou autres, qui beaucoup, beaucoup dans les années précédentes étaient plongées dans ces pratiques-là et dans ces croyances-là. On a déjà dit que beaucoup, eh ben, profitaient des vacances d'été et lorsqu'ils allaient au pays, eh ben, l'une des premières choses qu'ils faisaient, c'était se rendre chez le sorcier, chez les devins, pour justement demander leur service. Et beaucoup d'entre eux, en cela, ne savent pas qu'ils ont joué avec le feu, comme on dit. Pourquoi? Parce que beaucoup d'entre eux, du fait qu'ils utilisaient cette opportunité des vacances pour se rendre chez les voyants, eux-mêmes ont été touchés ensuite. Et leurs enfants ont été touchés, leurs proches et leurs familles ont été touchés. C'est pour ça qu'on voit beaucoup de gens ensuite qui ont été ensorcelés, qui ont été touchés par cette sorcellerie. Même certains qui ont été possédés. Ils ont été touchés par ces pratiques machiavéliques et démoniaques à cause justement de l'ignorance de ces gens qui profitaient de leurs vacances pour aller demander les services de ces shayatines. Et c'est ça qui a causé beaucoup de tort dans beaucoup de familles et beaucoup de préjudices. Beaucoup de familles ont subi, beaucoup d'enfants jusqu'à aujourd'hui, eh ben, subissent les méfaits de ce que leurs parents ont fait lorsqu'ils allaient au pays. On voit des enfants, par exemple, à titre d'exemple, des enfants qui ont du mal à se marier, des filles qui n'arrivaient pas à se marier à cause de ces sorts, à cause de cette sorcellerie-là, des filles qui n'arrivaient pas à se marier, qui ont mis énormément de temps pour se marier. On voit des garçons pareils ou des gens qui devaient se marier qui ensuite ne se sont pas mariés à cause de cela, des gens qui ont échoué dans leur vie à cause de ces sorts-là. Et donc, on voit, ça a causé le malheur de beaucoup. Donc, ces pratiques, cette sorcellerie-là, a causé le malheur de beaucoup. Et ces sorciers, justement, Al-Kafara wa Sahara, ont justement exploité l'ignorance et la faiblesse et la détresse des gens à leur propre fin. Car en plus de cela, les sorciers se sont accaparés des biens. Ils ont pris l'argent, justement, de ces gens. Donc, ces gens payaient ces services-là. Et c'est comme cela que les shayatines aussi, ces sorciers-là, ont exploité ici la faiblesse des gens en extirpant leur argent, en s'accaparant de leur argent. Donc les gens ont payé pour leur malheur. C'est ça le plus grave dedans aussi, c'est que ces gens-là, ils ont payé pour leur malheur, pour le malheur de leurs proches, de leur famille. Et souvent, les gens ont eu recours aux sorciers aussi, c'est souvent aussi par jalousie. Les gens qui sont beaucoup touchés par la jalousie, au fond d'eux, ils cachent une jalousie, une envie des biens des autres, qui est vraiment maladive. C'est pour cela que certains, c'est une maladie. Ils sont jaloux, ils sont envieux, et c'est une maladie qui est en eux. Et ça les pousse, ça les mène à faire des actes, parmi les actes les plus abominables. C'est pour ça que cette jalousie, elle pousse vraiment au mal. Et les gens ensuite sont mauvais, deviennent mauvais avec cette envie et cette jalousie. Pour cela, lui, le croyant, lui, s'efforce d'avoir un cœur pur. Et c'est ça que nous enseigne notre religion, c'est d'avoir un cœur pur et de ne pas être sous l'emprise de toutes ces pratiques, sous la servitude de toutes ces pratiques. Le croyant a le cœur pur, le croyant ne jalouse pas, n'envie pas les autres. Si une personne est touchée par des bienfaits, si une personne a des biens, si une personne vit une belle vie et si une personne est heureuse, eh ben, le croyant se réjouit pour lui. Se réjouit pour lui parce que le prophète, dans un hadith, il nous dit que le véritable croyant, c'est celui qui aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Donc le croyant, lui, il aime pour les autres ce qu'il aime pour lui-même. Donc s'il voit son voisin, ou s'il voit un de ses frères, ou s'il voit un proche, ou s'il voit un ami qui vit une belle vie, qui est heureux, alors il se réjouit pour lui et il est content. Et le croyant, son affaire aussi, c'est même d'invoquer pour les autres. Il invoque Allah Jalla Wala pour que les gens soient bien dans leur vie, pour que les gens prospèrent, pour que les gens soient heureux. Et même dans un hadith, le prophète Sassam nous dit que le croyant qui est comme ça, qui invoque pour les autres, par exemple dans sa prière, eh ben un ange dit « et pour toi la même chose ». Et pour toi la même chose. C'est pour ça que c'est même une cause. Lorsqu'on veut du bien, eh ben on invoque son bien pour les autres. Et ensuite, on peut être touché par ce bien. Pourquoi? Parce que lorsqu'on demande à Allah Jalla wa Ala qu'il fasse du bien à telle et telle personne, un ange dit, et pour toi aussi la même chose. Donc c'est une cause pour que nous aussi, on récolte ce bien. Donc le croyant, lui, veut que du bien pour les autres. Et ce qu'il espère pour lui-même, il l'espère pour les autres. Contrairement à ces shayatines, contrairement à ces démons. Et sachez que les grands savants de l'islam nous enseignent que les démons, il y a aussi bien des démons djinns parmi les shayatines, il y a des démons qui sont des djinns, mais aussi bien, il y a aussi, sachez, des démons parmi les humains. Donc parmi les humains, il y a des gens qui sont des démons. Et parfois, ces démons parmi les êtres humains, ils sont, certains savants de l'islam nous disent qu'ils sont même parfois pires que les démons des djinns. C'est-à-dire que ils sont parfois ces humains qui sont des démons, c'est des humains qui sont tellement mauvais, qui sont tellement pris par ces pensées démoniaques et ces plans machiavéliques, sont des humains qui sont vraiment sous l'emprise justement de pensées démoniaques. Alors parfois ces humains-là qui sont tellement, tellement mauvais, et au fond d'eux, ils sont mauvais, et justement ils ont recours à ces pratiques mauvaises et démoniaques, que parfois ils peuvent même être pires que les démons djinns. C'est pour ça que beaucoup qui ont eu recours à cette sorcellerie, leur vie est devenue un calvaire, leur vie est devenue une sorte d'enfer, une déchéance, leur vie est devenue une sorte de ténèbres, même leur maison, leur demeure, c'est des ténèbres. Et on voit même que beaucoup de ces humains, de ces hommes qui ont voulu être au service de ces démons-là, de ces shayatines, lorsqu'ils ont voulu se séparer de ces démons et ne plus être au service de ces démons, lorsqu'ils ont voulu se repentir et arrêter cette sorcellerie et arrêter leur association avec les démons djinns, eh ben ces démons ne les ont jamais laissés, ils ne les laissent pas. C'est pour ça que ces sorciers, lorsqu'on a dit tout à l'heure qu'ils ont joué avec le feu, c'est que même au moment où ils ont voulu se repentir, où ils ont voulu délaisser cette pratique de la sorcellerie, et cette association qu'ils avaient, cette servitude qu'ils avaient envers ces shayatines, et d'arrêter d'être au service de ces démons, alors ces démons-là, djinns, parmi les djinns, ne les lâchent plus. C'est pour ça que certains qui ont voulu rentrer et pénétrer dans ce monde, ils n'y arrivent plus, ils n'arrivent plus à y sortir. Et leur vie est devenue une sorte d'enfer. Et ils vivent dans des ténèbres. Donc vous avez vu, lorsqu'on dit que l'islam, dans tous les plans, dans tous les aspects de la vie, l'islam est une libération. Le musulman, regardez, sa vie n'est que quiétude. Il croit en son Seigneur. Sa vie est faite de bonnes choses. Il vit un bonheur. Il est heureux. Allah Jalla wa Ala lui met la bénédiction, al-baraka, le fait que c'est pour ça que le croyant n'est pas sous l'emprise de toutes ces pratiques. Et sachez que par exemple aussi, ces pratiques-là, eh ben, c'était présentes à l'époque des Arabes, dans la péninsule arabique et dans les autres sociétés aussi. Et ces pratiques-là ne sont pas nouvelles, la sorcellerie, le fait de jeter des sorts, d'ensorceler les gens, de fait de semer la corruption dans les sociétés, dans les foyers, de séparer les couples, ça, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est ancestral, c'est quelque chose qui est vraiment ancestral, ça date de millénaires et de millénaires. Et c'est pour ça, et ça ne cesse de perdurer. Sauf que dans les sociétés où que le monothéisme s'est propagé, dans les maisons et les demeures où le monothéisme, le tawhid s'est propagé, l'islam se propage, on voit que les gens sont à l'abri de cela. C'est pour ça que je disais dans le rappel que ces dernières années, lorsque cette lumière, la compréhension de l'islam a pénétré beaucoup de foyers, beaucoup de maisons, de musulmans, on voit qu'ensuite les musulmans s'en sont détachés de ces pratiques. Pour ceux qui étaient dans ces pratiques et qui croyaient en ces pratiques, eh ben beaucoup de maisons se sont libérées de ces pratiques-là. Et on voit qu'aujourd'hui, beaucoup de familles vivent mieux et beaucoup d'enfants vivent mieux. Les gens ont réussi, beaucoup de gens ont réussi à se guérir de ces maux-là, de ces méfaits-là, de ces sorts-là, et on voit que cette lumière-là, ce savoir-là qui a pénétré les maisons, c'était vraiment un bien pour beaucoup de gens. Et pourquoi j'ai voulu vous citer cet exemple, j'ai parlé de ce sujet-là, pourquoi? Parce que beaucoup vont se poser la question, ils disent, se posent la question en disant, mais c'est arrivé qu'une personne, il est allé chez un sorcier, et puis le sorcier, il lui a raconté, lui a dit des choses de sa vie que personne ne savait. Il lui a dit, lorsque tu étais enfant, il s'est produit telle et telle chose, tu as fait telle et telle chose, Et donc, il lui a cité des choses, il lui a mentionné des choses de sa vie que personne ne connaissait. Donc, certains, ensuite, de ce fait, ils vont accorder foi au sorcier en disant que ce qu'il dit, c'est la vérité et qu'il connaît et que donc, il a des pouvoirs. Et donc, beaucoup ont été leurrés, dupés, trompés par ça. En réalité, ce qu'il faut comprendre, certains sorciers ont pu savoir des choses de la vie d'une personne qui est en face de lui. Et c'est pour ça, c'est pour se donner de la crédibilité. Donc, il est obligé de dire des choses pour se donner de la crédibilité, pour que la personne qui est en face de lui, ensuite, lui accorde foi et ensuite, lui demande ses services. Et comment ils ont pu avoir accès à certaines informations? Donc, ils ont pu avoir accès à certaines informations. Comment? On a dit que le sorcier, lui, travaille avec des démons et des shayatines parmi les djinns. À savoir que chaque être humain, il a ce qu'on appelle un qarin. Il a un compagnon inséparable. Un compagnon inséparable. Et parfois, ce compagnon inséparable, il va insuffler le mal à cette personne-là. Il va insuffler le mal à cette personne-là. Toutes les personnes, donc, ont un qarin, ce qu'on appelle en arabe un qarin. Donc, une sorte de compagnon inséparable qui est là, qui est à ses côtés. Et lui, le sorcier qui travaille justement avec ces démons-là, ce démon qui est au service du sorcier, il va se mettre en contact avec le compagnon inséparable de celui qui est en face. Donc de ce démon qui lui est en face, qui est inséparable et qui insuffle le mal. Il va se mettre en contact avec lui et l'autre va lui donner des informations. Donc le qarin de l'individu va donner des informations au démon qui travaille avec le sorcier. Et ces informations-là, ensuite, ce démon-là, les donne au sorcier, et le sorcier les répète à la personne. Les répète à la personne. Et de ce fait, la personne va lui accorder du crédit. Et comme cela, vous avez vu, les démons, Shayatin, ils jouent avec les êtres humains. Ils jouent avec les hommes. Et de ce fait, c'est pour ça que le sorcier, ensuite, il va avoir des informations sur la vie de la personne qui est face à lui. Il va lui donner des informations sur combien de sœurs il a, combien de frères il a, des choses qui se sont produites dans son enfance, dans sa jeunesse, dans sa famille. Des choses que lui, la personne, se dirait que, mais il n'est pas possible. Il est impossible que le sorcier en avait la connaissance plutôt. En avait la connaissance. Et on a dit, ça se fait par le biais des démons. Et ça se fait par le biais des shayatines. Et cela est une épreuve pour les hommes. Lui, le croyant, c'est pour cela qu'il n'a pas recours à cela, il ne croit pas en cela, et il s'éloigne de cela, il s'écarte, et Allah, subhanahu wa ta'ala, le préserve. Et Allah est celui qui est le grand protecteur, Allah, subhanahu wa ta'ala, est le protecteur de ses serviteurs. Voilà, ça c'était donc juste une précision concernant ça. Ensuite, on continue. Et l'imam al-Bukhari ensuite dit, « Wa qala haddathana Khalid ibn Makhlad, haddathana Sulayman ibn Bilal, haddathani Abdallah ibn Dinar. » عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال مفاتيح الغيب خمس لا يعلمها إلا الله لا يعلم ما تغيض الأرحام إلا الله ولا يعلم ما في غد إلا الله ولا يعلم متى يأتي المطر أحد إلا الله ولا تدري نفس بأي أرض تموت إلا الله ولا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله. Et ensuite, l'imam al-Bukhari, maintenant, nous cite un hadith du prophète, alayhi salat wa salam, où le prophète, ensemble, dans un récit, va nous mentionner les cinq clés de l'inconnu. Et comme on avait dit que ces cinq clés de l'inconnu, de tous les mystères, qui sont auprès d'Allah, que Allah est lui le détenteur, on avait dit qu'elles sont aussi bien mentionnées dans le Coran, mais que cela était aussi bien mentionné dans la sunna du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Et là, en l'occurrence, l'imam al-Bukhari mentionne le hadith. Donc c'est le hadith de Abdallah ibn Omar, où le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, dit « Les clés de l'inconnu sont au nombre de cinq, et personne n'en a la connaissance, si ce n'est Allah. » Et donc le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, premièrement, va citer. Donc premièrement, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a cité la période de gestation, c'est-à-dire tout le développement de l'embryon, la phase, l'évolution de l'embryon dans l'utérus de la mère, que seul Allah Jalla wa Ala connaît cela. Donc cette période de gestation, l'évolution, le développement, ce qui se passe ici, donc c'est du début de la période, si vous voulez, du temps qui s'écoule entre la fécondation, de l'ovule et la naissance. Et la naissance de l'enfant. Pendant toute cette période, donc l'embryon évolue dans l'utérus de sa mère. Celui qui en a la connaissance est Allah subhanahu wa ta'ala, comme on l'a évoqué au début de l'explication de ce chapitre. Ensuite, il dit, personne ne sait. La ya'lam ma fi ghad illallah. Personne ne sait ce qu'il y aura demain si ce n'est Allah. Deuxièmement. Troisièmement, personne ne sait. Mata ya'ti al-mataru ahadun illallah. Et ça, c'est concernant la descente de la pluie. Ensuite, personne ne sait où est-ce qu'il mourra, en quelle terre, en quel endroit il mourra, si ce n'est Allah. Et cinquièmement, la cinquième clé, personne ne connaît le terme de l'heure, quand est-ce que viendra l'heure et la fin du monde, si ce n'est Allah, subhanahu wa ta'ala. Et là, Cheikh Ibn Al-Athaymeen va nous expliquer une précision ici très importante. Il va faire allusion ici au verset. Lorsque Allah Jalla dit, La ya'lamu ma taghidu al-arham illallah. Personne ne connaît, et ici pour bien comprendre, donc c'est une partie du verset qu'on avait déjà mentionné dans les allocutions précédentes, où dans le verset, Allah Jalla nous dit que cette période, la période de gestation, comme on l'a dit précédemment, qui est la période de temps qui s'écoule entre la fécondation de l'ovule et la naissance de l'enfant, pendant toute cette période, l'embryon est porté dans l'utérus. Et seul connaît cela Allah subhanahu wa ta'ala. Et plus précisément, Cheikh va nous expliquer. Et à la fin du récit, même Allah Jalla wa Ala dit que toute chose est auprès de lui, a auprès de lui sa mesure plutôt. Et donc ici, il fait allusion au verset 8 de la sourate du tonnerre. De la sourate du tonnerre. Donc, référez-vous au verset 8 dans la sourate du tonnerre. Dans une traduction relative, Allah Jalla wa Ala dit, Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou bien prolongée. Et toute chose a auprès de lui sa mesure. Donc ça, c'est une traduction du verset, du sens du verset. Et là, Cheikh Ibn Al-Uthaymeen va nous préciser une chose. Dans ce verset, on l'a traduit comme cela, Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou bien prolongée. Donc il est bien dit écourtée ou bien prolongée. Pourquoi? Parce que c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, c'est un élément très important à savoir. C'est que le terme qui est cité dans le verset, c'est tarid. Et c'est dans le sens tarid, c'est dans le sens tanqus. Tanqus, ici, c'est le fait de diminuer. S'amoindrir, s'amoindrir. Et la preuve de cela, c'est que dans le verset, Allah Jalla wa Ala ensuite a utilisé le verbe wama yazdad, ou plutôt wama tazdad, wama tazdad. Et donc wama tazdad, et donc c'est l'inverse, c'est le contraire de tarid. C'est pour ça que les savants, ils ont dit wama tazdad, du fait qu'il est le contraire de tarid, il est cité dans le verset. Donc tarid, c'est dans le sens de tanqus, dans le sens de tanqus. Pour cela, le verbe, ou plutôt le verset, on l'a traduit il est traduit de cette manière. Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou bien prolongée. Est écourtée, c'est-à-dire amoindrie ou bien prolongée. Dans ce sens, on comprend du verset. Ce qu'Allah veut dire lorsque il dit que c'est lui qui a la connaissance de ce qu'il y a dans la matrice et l'utérus de la mère, lorsqu'il a la formation de l'embryon. De sorte que pendant cette période qu'on appelle la période de gestation, donc la période de gestation, comme on l'a dit précédemment, c'est la période de temps donc qui va s'écouler entre la fécondation de l'ovule et la naissance. Et la naissance justement de l'enfant. Pendant toute cette période, donc l'embryon, on dit qu'il est porté dans l'utérus par la mère. Donc il est dans l'utérus, porté dans l'utérus par la mère. Sauf que, là, cette période-là, elle a un terme. Elle a un terme bien fixé. Elle a un terme bien fixé. C'est pour cela que on dit, d'une manière générale, la mère va porter cet enfant ou cet embryon, ensuite qui va se développer, avant que l'enfant naisse, elle va le porter dans son ventre. On dit d'une manière générale, ce qui est connu et ce qui est commun, c'est 9 mois. Donc elle va porter cela pendant 9 mois. Et ça, c'est ce qu'on appelle Riyal-Ghalib. C'est ce qui est connu. Par contre, parfois, il peut y avoir diminution ou augmentation. Parfois, la femme, elle peut attendre plus longtemps. Donc, cette période de grossesse, elle va s'étendre. Ou parfois, sa période de grossesse, elle peut diminuer. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'ensuite, l'enfant, il peut naître prématuré. Il peut naître prématuré. Allah, subhanahu wa ta'ala, lui, a la connaissance de cela. C'est pour ça qu'il est dit la diminution, bien l'augmentation. La diminution, bien l'augmentation. C'est pour cela, regardez. Et c'est très pertinent que Cheikh est revenu sur l'explication de cela. Il fait allusion au verset. Regardez dans le verset, lorsqu'on dit Allah sait ce que porte, ou bien plutôt sait que porte, ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou bien prolongée. Elle est écourtée ou bien prolongée. Pourquoi? Parce que, comme on a dit, il y a une période de grossesse. Il y a une période de grossesse. Et on a dit que généralement, donc, cette période de grossesse, elle s'étend à 9 mois. Wa ma tazdad an tis'at ashhur. Aw al murad ma tazdad 'adadan wa tanqus 'adadan bi an yakun wahidun fil batn aw ithnan aw thalatha aw al amran jami'an. Fal amran jami'an. Donc on a dit que cette période qui doit être normalement, qui est habituellement de 9 mois, parfois elle peut s'écourter. Donc il y a un accouchement qui va pas à terme, et donc l'enfant sera prématuré, et parfois elle peut dépasser. La femme parfois a des complications, et donc la grossesse parfois elle peut s'étendre et dépasser les 9 mois. Ici, Allah Jalla nous dit qu'il en a la connaissance de cela. Si la grossesse va être écourtée, ou bien la grossesse va arriver à terme, ou bien la grossesse va s'étendre et dépasser les 9 mois, Allah Jalla, depuis le début, on avait là la connaissance. On avait la connaissance. C'est pour ça que même avec les moyens modernes, avec l'évolution et les progrès de la science, par exemple, lorsque la femme est dans son premier mois et commence justement l'évolution et le développement de l'embryon dans l'utérus ou dans la matrice, ici, on ne peut pas prévoir. Est-ce que la femme va accoucher à terme ou bien va dépasser le terme? Ça, Allah Jalla, lui, en a la connaissance, a la connaissance de tous ces détails. Est-ce que l'enfant, ensuite, comment est-ce qu'il va naître? Est-ce qu'il va être prédestiné pour lui comme bonheur ou bien malheur? Son délai de vie? Est-ce que lorsqu'il va sortir, s'il sort vivant, et il vit combien de temps il va vivre sur terre, Allah Jalla a la connaissance de tout cela. Aussi, ce qui fait partie du développement de l'embryon, si, parmi les choses plutôt qui se développent dans l'utérus et la matrice de la mère, aussi, combien d'enfants, dès le départ, combien d'enfants est-ce qu'elle va porter. Parfois, elle peut avoir des jumeaux ou bien des triplés. Des jumeaux bien des triplés. Donc d'habitude, la mère va porter un enfant et parfois peut avoir des jumeaux ou bien des triplés ou autres. Et bien Allah Jalla en a la connaissance dès le départ et même avant. Allah avait toujours eu connaissance de cela. Avant même que la chose se produise et débute, Allah Jalla avait la connaissance de cela. Puisqu'Allah a la connaissance de tout avant même que ces choses-là se produisent. Subhanahu wa ta'ala, exalté soit-il. Et donc ça, c'est une précision que Cheikh Ibn Al-Thaymin nous enseigne par rapport à ce verset, le verset où Allah dit, Allah sait ce que porte chaque femelle et de combien la période de gestation dans la matrice est écourtée ou bien prolongée. C'est pour cela qu'il dit le terme en arabe, tarid, on le traduit dans le sens écourté, qui est le contraire de tazdad, prolongée. C'est pour ça qu'on a traduit le verset, le verset était traduit plutôt de cette manière, et toute chose a auprès de lui sa mesure. Voilà, on va s'arrêter sur ça, Inch'Allah. Et dans la prochaine allocution, Inch'Allah, si Allah nous le permet, on termine l'étude de ce chapitre, on commencera l'étude d'un nouveau chapitre. Wallahu a'lam wa billahi tawfiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.